veux plus. Tous les quartiers sont à leurs pieds. Les filles qui mettent pas le pied. Évasion des immigrés. Ghetto éradiqué. Le voile est encore d'actualité. Ils veulent la France islamisée. Bientôt il faudra se cacher pour ne pas être tué. Invasion des immigrés. Bientôt éradiqué. Civilisation.